la croix là. Tu t'en branches ou quoi? Hein? Encore une quête, fais le poisson, t'es dans le hula comme un cut. Et t'inquiète, c'est pas depuis la hule que le rap roule cut. Là c'est trop chaud, touche pas le pot. J'suis vénère, il est trop chaud de me palper. Il croit qu'on est bouillant juste par bol, alors qu'on est disqualifié par poule. Moi ça c'est quand tu me reconnais un gros lossa. J'connais la solitude, j'aime bien rouler à dos les seuls. Me rôde un peu partout, on me dit Tima c'est trop lossa. Viens me trouver dans l'allée, mais un compte m'a donné le seum. Repentis pas tes faits, ils font depuis l'adolescence. J'ai fréquenté béton et puis le temps m'a donné somme. En direct la galère, gros son, mais adolescence. Et si le bigot vit pourtant, c'est que mon dîner sonne. J'veux la peufra dans le GTI, loin des cours de GO, tout proche de GTA. Toi passe ton petit jeton, brûle le poisson et dis au poids de GTA. Moi j'ai les cartes, j'ai les sas. Ouais, ouais. Comme le poulet, je leur écarte les essences. Je mène les cartes, je prends des pauses. Tu m'as été sur sale boîte, elle me dit la des sauces. Tu m'as été sur sale boîte, elle me dit la des sauces. Mais malgré ça, toujours la tête qui tourne. On pense au mal qu'on fait tous bloquer dans les fourneaux. Quand tu cours la ligne droite, les coffres te pètent au tournant. Et quand t'es dans le Berlin, comme maman regarde les journaux. Si merde, le succès fait tourner. Fils de ce matin au tournant. Le genre me disait qu'on te bien la journée. Tu sourires, tu m'as été trop gourmand. Avant sur terrain, ça crame ma puce. Je finissais bourré, je regardais le trajet de ma pays. Maman, comment te dire comment pas fait la passe. Avant sur terrain, ça crame ma puce. Je finissais bourré, je regardais le trajet de ma pays. Maman. Pécho là. DMAL.